côté de toi, à côté. Voilà, c'est gagné, femme, c'est gagné, va devant, va devant. Devant, devant, allez devant toi, à droite, voilà, t'es prêt. Bien joué, femme. Va, va, attention, il y a deux. Voilà, attention, attention, Nasser. N'y va pas, José, n'y va pas. J'y vais. Fais ton air, Hakim, fais ton air. Faut lui parler. Eh, Nasser, faut parler à Hakim, les gars, faut lui parler, vous parlez pas assez. Les gars, ici. C'est bon, c'est gagné. Va devant Fabrice, José la récupère. Yeah. numéro 4, Osseline, qui prend place sur le terrain. Voilà. Voilà, il va remplacer Théo, qui était le numéro 11. Félicitations à toi, Théo. Bon match. Thank you. Alors vous avez vu, pour ceux qui voulaient aujourd'hui découvrir un peu ce qu'était le Cécifoot, ben voilà, vous avez vu que les joueurs exploitent tous les sens, surtout l'écoute et le toucher, hein, dans le gros jeu par rapport au ballon. Voilà, le match va recommencer. Signe devant toi. Thank you. feedback. C'est bon. Ça passe, ça passe. Va maintenant, va au but.